بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مكتفى ما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخذ هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس on a pu prendre hier الفقرة التي كانت تتحدث عن أصل الدين وقاعدته وذكر أن أصل الدين وقاعدته أمران que la base de la religion et que les règles de la religion sont au nombre de deux كما قال الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا معنى التوحيد ça ça veut dire التوحيد والإنذار عن الشرك يعني son inverse son opposé ensuite il avait dit رحمه الله قال والتحريض على ذلك qu'est-ce que ça veut dire التحريض على ذلك le fait d'appeler à cela c'est-à-dire que la personne ne se contente pas d'être صالح d'être un vertueux. Il faut que aussi les gens auprès de lui, donc ils ne se contentent pas d'adorer Allah Azzawajal et il dit voilà c'est bon, j'ai fait ce que Allah m'a demandé. Non, il manque encore une chose, c'est que tu dois appeler, après avoir œuvré, après avoir appris et œuvré, il faut appeler. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, wa tawassaw bil haqq. Comme il a évoqué, al-ilm, al-amal, ensuite, al-nasiha. Il a budda min nasiha wa da'wa ila Allah Azzawajal, wa l'amr bil ma'ruf. Qala wa al-mu'alatu fih. Qu'est-ce qu'il voulait dire par le mu'alafi? De s'associer avec les gens du tawhid. Naham. Et quelle est la base de le mu'ala? Al-mahabba. La mu'ala, illa bi-mahabba. Elle est construite sur la mahabba. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il a appelé ça mu'ala. Qui veut dire en arabe? La proximité. Al-qurb. C'est pour ça que lorsque, à partir du moment que la mu'ala est basée sur la mahabba, donc il n'y a plus de notion de proximité ou bien d'éloignement. Parce qu'à partir du moment que tu aimes ton frère, où qu'il soit, tu vas le secourir, où qu'il soit, tu vas lui faire nasiha, où qu'il soit, tu vas lui venir en aide et tout. Donc il y a les hukouk, les droits qui sont établis entre les musulmans, ils vont être appliqués. Parce qu'ils sont basés sur la mahabba et d'Allah Azzawajal. Kama kunna, al-mu'ala, elle doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui font mu'ala pour leurs intérêts. Ça, c'est pas profitable. Ça, c'est une marsiya. Al-mu'ala. Il faut qu'elle soit لله عز وجل. Naham. قال والتكفير من تركه. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Après iqamat al-hujja, celui qui a délaissé le tawhid, celui-là on est obligé de le juger après qu'il y ait iqamat al-hujja wa al-nasiha. Tamam. On est obligé de le juger qu'il n'est pas musulman. Tamam. Et ça c'est comme on a dit, ça c'est al-ulama yatakallafuna bi dhalika, ceux qui se chargent de ce genre de choses-là, de juger sur les personnes à l'individuel. Naham. Excepté les annulatifs de l'islam qui sont wadih jiddan, dans lesquels n'a pas besoin de revenir au ulama, qu'alladhi yasubbu Allah ou yasubbu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, aliman bi, il sait que c'est interdit, il le fait, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont connues, min ad-din bid-darura. C'est les choses qui sont connues, bid-din min ad-darura, qui nécessitent pas de revenir au ulama, qui nécessitent pas yani de preuves, c'est tellement connu, ça, on n'a pas besoin de revenir. Nata'akkad, on s'assure. Parce qu'une personne peut insulter Allah à laquelle il était ivre. Donc on s'assure qu'il n'était pas ivre, on s'assure qu'il n'y a pas. Et on s'assure de pouvoir bien descendre le jugement sur cette personne-là sans qu'il y ait de mawani. Donc on s'assure bien, on demande est-ce qu'il était en pleine possession de son esprit? On ne sait jamais, tu vois. Yani on nata'akkad. C'est ça, marna iqamat al-hujja. Iqamat al-hujja, c'est-à-dire de s'assurer que la personne mérite yani ce jugement-là. Qala athani al-inzaru an ash-shirk fi ibadatillahi azza wa jalla. Donc le deuxième asl. Le deuxième commandement, c'est d'avertir contre le shirk. Qala wal mu'adatu fi. Le fait de détester. Hein. Comme al mu'ala est basé sur l'amour, al mu'ada est basé sur l'hostilité, la haine et la akhirihi. Comme on a dit, c'est une haine yani, qui est quoi? Qui est madbouta. Hein. C'est pas une haine qui pousse à tuer les gens. Bidhulm. Hein. C'est une haine dans les cœurs. Lakin, cette haine-là peut. Elle peut apparaître sur les membres à partir du moment où on combat avec le hakim, comme c'est le cas avec eux, les kuffar, qui font un djihad, lakin qui n'est pas fisabilillah. Les gouverneurs, ils attaquent d'autres pays lorsque le gouverneur il donne l'ordre. À nous, kadalika, on a l'hostilité dans les cœurs, et lorsque le gouverneur, yani bihaq, pas comme Daesh qui prétend un gouverneur yani, par ceci et par cela, yani bihaq. Le gouverneur bihaq, hada ida yani amara bil jihad wa ayyana an-nas, il a ordonné à certaines personnes de le faire. Ha huna, cette adawa qu'il y avait dans les cœurs, elle doit apparaître kazalika dans les membres. Et c'est le jihad fi sabilillah azawajal bis-sayf, yani bi avec les armes. Lakin ça c'est pas pour tout le monde, yani c'est pas tout le monde qui le fait. C'est lorsque le gouverneur il ordonne comme déjà fil hadith, yani fil Bukhari, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-amir junnatun liman yuqatil wara'ah. Yani al-amir c'est le bouclier, c'est-à-dire que ce qui est voulu dans ce hadith là qu'on ne peut combattre sans amir. Un combat qui est fait, un djihad qui est fait sans amir, ce n'est pas un djihad fissabilillah, mais un djihad fissabilillah shaitan. Ou le hadith عند al-Bukhari. Naham. Qala wa takfiru man fa'ala. Nous rendons l'écran sur celui qui fait le shirk. Naham. Et ça, c'est après le iqamatul hujja, comme on a dit. Et le shirk qui est voulu, si c'est le shirk qui est akbar ou ashar, al-akbar. Parce que le shirk al-ashar, la yikfur bihi sahibu. On ne peut pas le rendre en écran par rapport à ça. Naham. Ça, c'était le khulasa de. Du dors qu'on avait pu prendre, Inch'Allah, hier. Ou on va se dire. قبل ذلك. Mais il va tout dire par rapport au fait de juger les gens. S'ils sortent de l'islam, ceci, cela. Bien, ça, c'est une chose que l'Abu Dhamid, comme on a dit. Par rapport au hadith al-Farqa. Hadith al-Farqa, le Nabi sallam, il a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. في الرواية هي الجماعة. وفي الرواية ما أنا عليه وصحابي. Ce que moi je suis dessus. Et mes compagnons. Fa al-an al-ulama ajmahu ala anna hadhihi al-firaq les 72 sectes qui sont voués à l'enfer, c'est-à-dire que ils sont tahta al-mashiyah. Ils sont musulmans. Yani al-an al-ulama qala yani hadhihi al-firaq allati dhakaraha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'il a évoqué, ce sont pas des firaq qui sont sortis d'islam. Ce sont des firaq qui sont sortis de la sunna. Qui sont mubtadi'a. Donc ils sont toujours musulmans. Tamal an, on a 73 sectes. Une qui est au Jannah, Ahlus Sunnati wal Jama'a, et qui n'est pas vouée au feu. Inni wa hadab yani fi ad-dunya. Elle an baqiya 72 sectes. Et chacune de ces sectes-là, elle a une aqida qui a fait qu'elle est sortie de la Sunnah. Tam, comment on fait pour distinguer ces sectes-là? Obligé de donner des noms. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, sammana muslim, wa sammakum al-muslim, afin de nous distinguer des kuffars. Donc ces noms-là, ils sont obligés, yani mimbab al-ikhtisar, afin de s'écarter des aqidas de ces personnes-là qui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que l'aqida mène au feu. Donc yani, hada al-hadith yubayyin wahdahu qu'on est obligé de mettre des étiquettes aux personnes qui sont sorties de la sunna après qu'on aura montré wa bayyanat lahum as-sunna. Wa kadhalika ida ahadith kathira anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam yani hakamaha hatta ala ba'd as-sahaba. يعني أنهم كذا وكذا فقال في أبي ذر رضي الله عنه يعني ساس في المسلم فقال لأبي ذر رضي الله عنه لما يعني سب عبدا له إلى insulter إلى insulter من ses esclaves فقال النبي صلى الله عليه وسلم avait insulté sa mère فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية comme t'es une personne dans laquelle il y a de la جاهلية donc là il lui a collé une ticket par rapport à son œuvre là. كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لم أطال في صلاة العشاء lorsqu'il a allongé la prière d'Aïcha, il a lu al-Baqara fi al-Isha. وهذا لا يجوز. هذا مخالفة للسنة. Et la personne qui était derrière lui, elle est sortie carrément de la prière. Et il a entendu que Muad a prétendu que c'était un munafiq parce qu'il n'a pas prié avec eux al-Isha. فهذا il est sorti, il a fait la prière tout seul. C'était trop long pour lui. Ensuite, lorsqu'il a entendu que Mu'adh ibn Jabal il a prétendu que c'était un munafiq, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, wa qala lahu, yani il a rapporté la qissa, thumma qala lahu nabi sallallahu alayhi wasallam, qala fattan ya Mu'adh, fattan ya Mu'adh, fattan ya Mu'adh, es-tu un fouteur de troubles akhiri, es-tu un fattan ya Mu'adh, fa hakama alayhi bil fitna, par rapport à son fi'l, wa kadhalika Hatib ibn Abi Baltaha, lorsqu'il avait trahi les musulmans, lorsqu'il avait donné à une mouchrika une lettre pour leur annoncer la venue de l'armée de prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait personne à Mecca qui protégeait sa famille, donc il a fait un petit pacte avec eux, je vous renseigne de la venue de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous touchez pas ma famille à Mecca. Enfin, lorsqu'il a Allah azza wa jalla il a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette œuvre là de Hatib. Il a envoyé Ali vers cette mouchrika et il lui a dit sors cette lettre-là. Elle a dit j'ai pas de lettre. Elle a dit sors cette lettre-là ou bien je te mets tout nu. Ensuite, elle a sorti cette lettre-là dans laquelle il avait écrit normalement, il devait transmettre cette lettre-là, et dans laquelle c'était écrit que Al-Jaysh, il était en train de venir. Pourquoi as-tu fait ça? Et ensuite, il a expliqué parce que je n'avais pas de personne qui protégeait ma famille là-bas. Enfin, lorsqu'il a entendu ce hada, Omar ibn Khattab, il était bijanibi. Il était à côté de lui. Il a قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق. Laisse-moi frapper la nuque de ce munafiq. فالنبي صلى الله عليه وسلم من انكر عليه ذلك وانما قال دعه. Parce que c'est une personne de Badr, et les gens de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a waffaq, il va leur donner la réussite pour qu'ils reviennent sur leur marziyah. لكن قال انت منافق, هذا c'était du nifaq asghar. C'était du nifaq mineur. فقال فيه منافق, il lui a donné une étiquette. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. À partir du moment que la personne fait une chose qui est contraire à l'islam, qui est contraire à la sunna, et que cette œuvre-là, elle a été jugée comme fisq, ou fujour, ou nifaq, ou shirk, ou ila akhirihi, et que cette personne-là s'entête à faire cette chose-là, on doit l'appeler par ce hukm-là. Mais Cheikh l'islam, في مجموع الفتاوى, il a évoqué énormément ce bab-là. Ça s'appelle bab al-asma wal-hakam. Bab al-asma wal-hakam. Bab al-asma, c'est-à-dire on donne des noms, et l'hakam, c'est les jugements. Ça, c'est un bab qui est beaucoup évoqué dans Majmou' al-Fatawa du Cheikh l'Islam. Hada, c'est une parenthèse afin de complémenter ce qu'on a pu voir hier. Naam, inshallah. Qala rahimahullah ta'ala, qala shurutu la ilaha illallah. Al-wajibat al-thalitha allati yajib al-mutahattimat al-ma'rifa 'ala kulli muslim wa muslimah ma'rifatuha shurut la ilaha illallah. Wa hada la shak wa la rayba fi kama qulna. Li'anna awwal ma yu'mar bihi al-'abd ash-shahadatan kama qala Ibn Abi al-'Izz rahimahullah ta'ala. La première des choses qui est demandée au Abd, c'est de témoigner de cette shahada. La ilaha illallah. Donc ça, c'est clair que c'est une chose qui est obligatoire, parce que c'est la clé de l'islam. Pour entrer dans l'islam, la bouddha annahu yashhad an la ilaha illallah. Ou sinon, il n'est pas accepté. S'il prie, il jeûne, il akhirihi, on n'accepte pas son islam. Hatta yashhad an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Wa qala hahuna shurutu la ilaha illallah. Ma'na zalika, ce n'est pas une simple parole. ليس يعني مجرد نطق لأن هذا النطق لابد من شروط لا دي كونديشن afin que cette shahada, ce témoignage là, il soit accepté. ليس كل إنسان قال لا إله إلا الله يقبل له et on l'accepte. لابد من شروط في ذلك ذكرها هنا شروط لا إله إلا الله. وهذه الشروط لو تبحث يعني في السنة وفي كتاب الله عز وجل il y a pas de nas يعني صريح. Un texte qui est clair, qui dit que les conditions de l'Allah sont au nombre de 7 ou 8. Lakin, hadi ashurut istanbatuha, ils les ont, bartlofik, yani déduit du kitab et la sunna. De nombreux hadiths et des ayats, ils montrent que la ilaha illallah, elle n'est pas prononcée comme cela. Qu'elle a des conditions. Fa, hadi ashurut, ils étaient connus auprès des as-salaf, min as-sahaba wa tabi'in wa ghayrihim. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لا يبكي لا إله إلا الله أبك دي شروط مخلصا به قلبه beaucoup de adillah qui montre qu'il a évoqué l'Allah avec des choses. Donc après les ulama sont venus, ils ont facilité la science, ils ont facilité la compréhension de la ilaha illallah. Ils ont dit, en déduction de ce qu'on a pu voir dans le kitab et la sunna, cette kalimette là la ilaha illallah elle doit être prononcée avec des conditions. Et le premier qui a réuni ces conditions là c'est l'imam Abd al-Rahman ibn Hassan, celui qui a écrit Fath al-Majid. Fath al-Majid, c'est lui qui a réuni ces shurut-là. Auparavant, on n'a pas connu une personne qui a réuni ces conditions-là. Wa innama j'étais évoqué et éparpillé. Lakin awwal man jama'a hadhihi yani huwa hafiz, c'est le petit-fils de Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, sahih Fath al-Majid. Abd al-Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, n'am. فهذا الكلام لأنه قال سلك يكخيل عبد الله القرعاوي الذي للإمام محمد ابن عبد الوهاب. فهذا الكلام إليه بعد الشيخ الإسلام النجدي محمد ابن عبد الوهاب وإنما هو جمع من حفيده في son petit fils qui a réuni ces shurut-là. Ça c'est un petit tenbi, لكن لا شك ولا ريب فيه que الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب les a évoqués, لكن c'était éparpillé, il les a pas réunis. فشروط الله إلى الله هذه لا بد منها. Et ça, يعني, certains, lorsque tu vas peut-être leur poser la question, certains awam, tu vas dire, est-ce que tu savais que la ilaha illallah avait des shurut? ils vont dire antum ahlu sunna ma aktharu ma ta'tuna bil jadid. Tous les jours il y a des nouveautés chez vous. Vous ramenez des nouveautés tous les jours. Al-an, la ilallah, il faut la dire avec des conditions. Beaucoup de gens, ils ignorent ce jour-là. Wa kama qila man jahila shay'an ada. Celui qui ignore une chose devient un ennemi. Le djihad, c'est un ennemi. Lakin, nous, on va venir, on va leur dire ça, c'est pas une chose qui est jadide. Wa inna man ujaddid al-fahm, kama qala al-shaykh Muhammad Iman al-Jami, rahimahullah ta'ala, il a une explication de ces shurut-là, qui est jayyida jiddan. Il dit, ça c'est pas du jadid, c'est pas une nouveauté. Lakin c'est un tajdid, yani mujaddid, le mujaddid, celui qui vient, qui revivifie, comme il dit, je crois. Naam. Tam. Fa hada fil haqiqa, c'est pas un jadid. Lianna, kama si'ati, qala wa adillatu hadhi ashurut min al-kitab wa sunnah. Donc finalement c'était une chose qui était nouveau, on ne l'aurait pas trouvé dans le kitab, et ni dans la sunnah. Donc c'est des déductions de la kitab et de la sunna, et toute chose qui est déduite du kitab et de la sunna, que ce soit des conditions ou bien que ce soit des règles, on doit l'accepter. Parce que ce qui est basé sur le kitab et la sunna se doit d'être accepté. Et ça c'est l'abou d'amin, wa kama si'ati. Faqala, awalan qala shurut, awalan ma huwa shart. Al-shartu fil lugha al-arabiya hi al-halama. C'est un signe. Al-shartu fil lugha al-arabiya, les arabes, et al-shart, pour eux c'est bimana, un signe, al-halama. ومن ذلك قول سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرتها. Est-ce qu'ils attendent? Mais pour croire en Allah Azza wa Jalla la venue de الساعة, yani يوم القيامة, qu'elle vient yani subitement, قال فقد جاء أشرتها. Alors que les signes de يوم القيامة, les signes de la fin du temps, sont déjà venus. Yani il y a des signes précurseurs qui sont déjà là. Donc, croyez en Allah Azza wa Jalla. N'attendez pas, il y en a la venue de l'heure. Alors qu'il y a déjà des signes précurseurs qui sont déjà venus. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَدْ جَاءَ أَشْرَطُهَا أَيْ عَلَامَتُهَا. Alors que les signes précurseurs, il y en a, sont déjà venus. فَأَشْرَطُ فِي اللُّغَ الْعَرَبِيَّ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ. نعم. وَشَرْعًا, il y en a, كَمَا قَالَ الْعُلَمَاء, il y en a, c'est la condition, il y en a une chose qui est conditionnée. فَكَمَا قِيلَ مَا يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْمَشْرُوطِ. C'est-à-dire, si on ne trouve pas la condition, la chose que tu vas faire ne va pas être acceptée. Comme al-tahara, مثلاً, c'est une condition pour la salah. Celui qui ne fait pas al-wudu alors qu'il est muhdith, il n'a pas les ablutions, il prie, sa prière, elle n'est pas acceptée. Comme a dit le Prophète صلى الله عليه وسلم, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Fa shart, c'est ça, c'est la chose qui est demandée de faire, et s'il ne la fait pas, elle n'est pas acceptée. Donc là, كذلك, هذه الشروط, إذا لم يأتي بها, لم يقبل منه هذه الكلمة. Elle ne sera pas acceptée. Donc c'est-à-dire qu'il restera sur la mécréance. Naam. Wa qala shurut la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah bi ma'na la ma'bud. Al ilah bi ma'na al ma'bud. Al ilah c'est ala waznu fi'al. Tam al ilah ala waznu fi'al. Wa qala al ulama yani fi sarf ma kana ala waznu fi'al bi ma'na al maf'ul. Fa al ilah bi ma'na al an al ma'bud li anna alaha bi ma'na al ibadah. ألها بمعنى العبادة فالإله وزنه فعال والمرض بذلك المفعول أي المعبود بمعنى لا معبود إلا هذه سلا النافية للجنس تعمل عمل إنا سكم إنا تمام بمعنى أنها تنصب الاسم فلا إله هذا هو اسم لا ولابد لها من خبر والخبر في لا النافية للجنس إلى محذوف إلى سبخمه il est supprimé. La, yani, ghaliban. La plupart du temps, il est supprimé. Lorsqu'il est connu. La ilaha ilul khabar, hauna, il est supprimé. Et là est venu le problème. Certains, ils ont prétendu que le khabar, hauna, c'est quoi? Moujoud. La ilaha moujoudun illallah. Et ça, c'est une explication, un tafsir de la ilallah qui est carrément caduque, qui est nul, qui est batil. Parce que le fait de dire « La ilaha mawjoud » qui n'est pas de divinité présente excepté Allah Azza wa Jal, ça rejoint l'aqida des soufis. Al-Hululiyya, ceux qui disent que Allah Azza wa Jal, il a fait qu'un avec l'univers. Qu'on trouve Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose. Parce que le fait de dire « La ilaha » La ilaha mawjoud » il n'y a pas de divinité présente excepté Allah, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de divinités qui sont adorées. Lakin en dehors d'Allah Azza wa Jal. En Filhind, ils évoquent qu'ils adorent, je sais plus, plus de 300 divinités. Fa la ilaha mawjoud, ça c'est un tafsir qui est batil, qui est faux. Parce qu'il rejoint la haqida de l'hululiyya, c'est le fait de dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Fa l'yahoud ya'boudouna Uzair. Pour eux, donc Uzair c'est Allah, il y en a à hada tafsir. Wa an-nasara ya'boudouna Isa. Fa idhan, Isa c'est Allah. Wa kadalika, Jibril, wa Maryam et l'akhiri. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Fa la ilaha mawjoud, ça c'est un tafsir qui est batil. Le khabar huna c'est pas mawjoud. Certains, ils ont dit la ilaha bimahnaj bimahna al-khaliq. Fafassaru, ils ont expliqué al-ilah bil-khaliq. Et ça, kazalika, c'est faux. Tam. La khaliq illallah bimahna. La ilaha illallah. La khaliq illallah. Et là, tu le trouves chez les tablir. Les tablir, lorsqu'ils disent la ilallah bimahna, la khaliq illallah. Ça, c'est carrément faux. Totalement faux. Pourquoi? Parce que si jamais le tafsir de la ilaha illallah bimahna la khaliq illallah, Kufar Quraysh, lorsque le Nabi sallam est venu et il les a combattus sur le tawhid, ils auraient dit, mais pourquoi tu nous combats? Il aurait dit, Nabi sallam, je vous combats parce que vous devez dire la ilaha illallah et vous devez œuvrer de la ilaha illallah. Si jamais la ilaha illallah, ce serait comme l'on dit cela, il y en a parmi les établis, la khaliq illallah, ils auraient dit, mais pourquoi tu nous combats alors que nous, on atteste de ce que vers quoi tu nous appelles. Parce que la ilallah, si jamais c'est la khaliq, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ils auraient dit, mais nous, on a la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Et il n'a pas d'autre créateur qu'Allah. Pourquoi tu nous combats? Et si jamais ça aurait été bima'na, la ilallah bima'na la khaliq ilallah. Al hadith ibn Umar, radiallahu anhum, la maqala, umirtu an qatil an nas. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Mais j'aurais dit, on a dit ilallah, bima'na la khaliq ilallah. Donc ça c'est faux. La preuve de cela, c'est que le wala in sa'altahum man khalaqahum liyaquluna Allah. Donc ils reconnaissent qu'Allah Azza wa Jal c'est le seul créateur. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il dit la ilaha illallah, c'est une autre chose. Parce que si jamais la ilaha illallah bima'na la khaliq, il les aurait pas combattu. Donc ça c'est un tafsir qui est faux. Et kazalika min at-tafasir qui sont faux, le tafsir de ahlul takfir. Le khawarij, ils disent la ilaha illallah bima'na la hakim illallah. La ilaha illallah bima'na la hakim illallah. Hada c'est kazalika c'est khata. Hada kazalika c'est khata. Yani aslan yani fi al-lugha al-arabiyya alaha c'est pas bima'na hakama. Ça par rapport à la langue arabe, c'est une faute déjà premièrement. Et kazalika shar'an. Tamam. Kazalika shar'an. Tamam. Parce que al-an c'est comme si jamais ils avaient restreint al-ibada fi ish fi al-hukm. Bima anzal Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le hukm, bima anzal Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de tawhid al-ubudiyya. C'est un noir parmi les noirs de tawhid al-ubudiyya. Fait tawhid al-ubudiyya kathira. Al-zakat, al-sala, al-soum, al-siyam, al-hajj. Il y en a plein. C'est pour ça qu'ils ont dit certains des ulama, si on traduit la ilaha illallah, bima'na la hakim illallah, ils disent kathalika, yani on devrait mettre aussi tawhid de la prière, le tawhid de la zaka, le tawhid, il y en a de chaque ibadah. Parce que le hukm bima anzal Allah, c'est une ibadah. Eux, ils ont restreint la ibadah à une chose qui est quoi? Al-hakim. Lakin, ça, c'est pourquoi? C'est un prétexte, il y en a pour sortir contre le hukam. Comme à partir du moment où ils vont voir que le hakim ne juge pas de la loi d'Allah, ils vont dire celui-là, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attesté de la ilaha illallah, qui est chez eux, la hakim. La hakimia illallah. Je ne sais plus comment ils avaient traduit ça. Il y en a que le hukm. Il est que Allah Azza wa Jal, il est que pour Allah, et eux ils ont jugé par une loi autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est un prétexte pour prendre le pouvoir. Donc ça c'est kadaika, c'est un tafsir qui est batil. Fa la ilaha illallah, le tafsir qui est sahih عند اهل السنه والجماعه, le tafsir qui est موافق لمراد الله عز وجل, c'est la ma'bud bihaq illa Allah. Haq, kadaika ils vont nous demander pourquoi vous avez ramené haq. Quel est votre dalil? Vous avez dit que c'est pas Khaliq, vous avez dit que c'est pas Mujou, vous avez dit que c'est pas Al-Hakim. Lakin, kadhalika, nous on va vous demander dalil. On dit, qala subhanahu wa ta'ala, zalika bi anna allaha huwa al-haq. Et zalika bi anna allaha et al-ma'boud huwa al-haq. Wa anna ma ya'buduna min douni, wa anna ma yad'una min douni huwa al-batil. Et ce qu'ils adorent en dehors de lui, c'est le batil. Donc là, on est obligé de dire, la ilaha et bihaqin. Parce qu'Allah Azza wa Jal, huwa al-ma'boud bihaq. Kama qala, zalika bi anna allaha huwa al-haq. Et al-ilaha al-ma'boud huwa al-haq. Fidan, kadhalika naqul. La ilaha ay la ma'boud bihaqin illa Allah. Et là, alhamdoulilah, c'est un tafsir qui est sahih. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres divinités qui méritent d'être adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la kalimat qui est sahiha. C'est le tafsir qui est sahih. Et c'est le tafsir qu'ont compris les kuffar au Quraysh. Wa qala subhanahu wa ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Limada? Ils n'auraient pas eu du kibr, ça aurait été bimana la khaliq illallah. يستكبرون ويقولون أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Allons-nous délaisser nos divinités pour un poète qui est possédé? Donc ils ont compris que la ilaha illallah c'est de délaisser tout ce qui est adoré en vain, yani en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal, et de vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. C'est pour ça que certains, yani Cheikh al-Islam al-Najdi rahimahullah, fi ba'd al-rasa'il, il dit la khayra fi rajulin Abu Jahl, a'lam minhu bi kalimati la ilaha illallah. Il y a aucun bien dans une personne qui prétend l'islam et qui prétend connaître la ilaha illallah, alors que Abu Jahl a plus de science que lui dans cette kalimate là, parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois. Donc là, ça montre yani l'ignorance de ces personnes là, comme il a évoqué dans le Sitta. C'est une chose que tatahajjab, les gens ils prétendent la ma'rifa, ils prétendent être intelligents, d'avoir une science. Et ils ignorent, yani, ce fondement-là, la base de la religion qui est la ilaha illallah. Naham. Faqala, al-shart al-awwal, qala al-ilmu, bima'naha, nafyan wa ithbatan. La première condition, c'est la science. Bima'naha, science de cette kalimat-là. Nafyan wa ithbatan. Par rapport à ce qu'elle apporte comme sens affirmatif ou négatif. Al-ilmu, lughatan, idraku shay, ala ma huwa alayhi, idrakan jazima. Kama dhakara zalika Sheikh al-Uthaymi, rahimahullah. Il a évoqué que la science, c'est le fait de connaître une chose, le fait de connaître une chose et d'avoir une certitude dans cette chose-là. C'est pas une présomption, c'est pas un doute. Connaître la chose comme elle est. Ça, c'est le ilm, dans la langue arabe, c'est la définition du ilm. C'est la même chose. إدراك شيء على ما كان عليه إدراكا جازما بدليل من كتاب وسنة. Ça c'est la science. On rajoute à ce qu'ils ont évoqué au comment s'appelle la définition linguistique bil adilla min kitab wa sunnah. Toute science qui est basée sur le al kitab wa sunnah, ça c'est le ilm shar'i. Al ilm shar'i. نعم. كما قال هو رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في أصول ثلاثة قال علم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة أي من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. هذه الأصول للأدلة كما قال الخطيب البغدادي وشيخ الإسلام قال أصول الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. فهذا هو العلم الشرعي. هذا هو العلم الشرعي. C'est de connaître le sens de cette kalimate là. قال نفيا وإثباتا. Et أن هذه الكلمة تنقسم إلى قسمين. Un sens négatif affirmatif. فَلَا إِلَهَا ça c'est le nafi. Le nafi de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire qu'il doit délaisser l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et détester tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de كَذَلِكَ كَمَسِيَاتِ de se désavouer de tout ce qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ وَإِثْبَاتًا وَالْإِثْبَات c'est l'affirmation. Une négation de ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, wa isbat l'affirmation de la ibadah lillahi Azza wa Jal. Fa laha ruknan, comme ils ont dit, elle a deux piliers cette kalimat là. La ilaha, le nafi, wa illallah, c'est al-isbat. Naham. Ensuite, qala rahimahullah wa huwa munafi lil jahl. C'est le contraire de l'ignorance. Et l'ignorance, bah, c'est l'inverse de ce qu'on a pu évoquer. Idraku shay'a ala ma huwa alayhi, idrakan jazima. Donc, al-jahl, c'est. C'est le fait de ne pas connaître. Lakin al-jahl, on ajoute une chose, c'est qu'il y a un qasim la qismin. Jahlun murakkab wa jahlun basit. Al-jahlun basit, comment on pourrait dire ça, l'ignorance à l'état naturel. C'est-à-dire, l'insan, lorsqu'il est né, il est jahil. Il ignore des choses. On lui pose une question sur une chose, il ne sait pas. Tam. Wa al-jahlun murakkab, c'est-à-dire que il est ignorant et il ignore qu'il est ignorant, comme on dit, comme on dit les ulama. فلو سألت مثلا كم شروط لا إله إلا الله فقال خمسة. Ça c'est du jahl, parce que cette c'est pas, il n'a pas la connaissance et la science de cette réponse-là. Et en plus, il répond. C'est-à-dire qu'il est ignorant et il pense qu'il est savant alors qu'il est ignorant. Naam. فهو منافي لجهلين سواء كان الجهل المركب أو بين الجهل كيكو بسيط كما قالوا الجهل البسيط ثم قال الثاني اليقين لا سيرتيتود قال هو كمال العلم بها سي لا بيرفكسيون دو لا سيونس قال المنافي للشك والريب كي لو كونترير دو شك والريب سي لا ميم شوز سي لو دوت تمام لو دوت قال اليقين واليقين كما قالها هنا قال هو كمال العلم C'est une ziyada ala al-ilm. C'est un plus. C'est au-dessus de la science. Fa al-yaqin huwa thubut al-ilm. Huwa thubut al-ilm. C'est la science qui ne bouge pas, qui n'est pas vouée au chèque. Imma tazdad. Elle ne fait que d'augmenter. Wa tatafawat al-yaqin. La certitude. Tatafawat. Fa yaqin Abu Bakr. La shak wa la raiba fi, c'est pas comme notre certitude. Abu Bakr avait beaucoup plus de certitude que nous. Il y a des degrés dans la certitude. Il y a des degrés dans la certitude. Et elle est basée sur la science. Et al-yaqin, haqiqatuhu, c'est quoi? C'est le fait de vrai. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle a une certitude si elle n'a pas d'œuvre. Comme a dit le Cheikh d'Islam, rahimahullah. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle a al-yaqin illa idha kana indahu al-ilm al-mustaqir wal-amal. Celui qui connaît une chose et qui met en pratique, ça c'est ce qu'on appelle al-yaqin. C'est un peu comme l'aqida. C'est un peu comme l'aqida. L'aqida, c'est ziyada ala al-ilm. Tu connais une chose, et à partir du moment que tu as l'aqida dessus, tu vas œuvrer. Comme a dit al-Samhani, rahimahallahu ta'ala, il a dit, « Kana shaytan aliman, an Allah subhanahu wa ta'ala, amarahu bi sujud al-malaika. » Shaytan, Allah azza wa jalla, lui a transmis la science. C'est-à-dire qu'il était au courant, qu'il devait se prosterner devant les malaïka. Lakin, il ne l'a pas fait. فكان على علم من بذلك الأمر. Il savait qu'il fallait le faire. لكن قال السمعاني ما كان معتقدا لهذا العلم. Il n'avait pas la conviction de cette information là et de cette science là. C'est pour ça qu'il s'est pas prosterné. فقال هو رحمه الله تعالى العقيدة تمام هي في القلب كطاعة في البدن. الآن une personne lorsqu'elle connaît une chose, elle a la science de cette chose là dans le cœur. Si jamais elle a العقيدة, on va voir cette science là في البدن. C'est-à-dire qu'elle va, elle va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui savent qu'ils ont la science, ils savent que la prière elle est obligatoire. Lakin, ils n'ont pas l'aqidah, ils ne sont pas à la aqidah fi dhalika limadha, parce qu'ils n'œuvrent pas. Ils ne font pas la prière. C'est quelqu'un qui ne fait pas la prière, on ne peut pas dire qu'il a l'aqidah, que la prière elle est obligatoire sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'œuvre pas. Il sait, lakin le fait qu'il n'œuvre pas, on ne peut pas dire qu'il est quoi? Un mu'taqid. On ne peut pas dire qu'à dhalika il a l'yaqin. Parce que si jamais elle aurait la al-yaqin, elle aurait œuvré. Et le fait qu'il n'œuvre pas, c'est-à-dire qu'il y a un doute. Il doute sur la véracité de ce propos-là, ou bien il fait rafla al-muhim, il y a des choses qui font qu'il délaisse. Naham. Fahada huwa al-yaqin. C'est un palier qui est au-dessus. Wa al-yaqin kama kuna yatafawat. Fahunaka ilm al-yaqin, wa hunaka aynu al-yaqin. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin, latarawunna al-jahim. Si jamais vous avez la science, yani avec certitude, vous aurez vu al-jahim, al-jahannam. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi l'ihsan, qala anta'budallaha ka'annaka tara. Là, il a le yaqin. Il est arrivé dans un degré de yaqin, ajib. C'est-à-dire qu'il adore Allah, et c'est comme s'il voyait Allah devant lui. Kadhalika hadhihi al-aya. Si jamais il aurait le yaqin, la forte yani certitude, eh bien il n'aurait pas désobéi à Allah azza wa jalla. Pourquoi? Parce qu'il voit l'enfer devant lui. C'est comme si l'enfer elle était visible devant lui. Qala kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin. Et ensuite là vous allez la voir avec vos yeux et là il n'y aura plus de place au doute. 'Ayna al-yaqin, c'est lorsque il shahid shay'an, à partir du moment qu'il voit une chose. Fa Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé que son peuple est en train d'adorer l'Hijr lorsqu'il est parti prendre les enseignements. فغضب في ذلك اللي تي نحفي تمام فعلم ذلك لكن lorsqu'il a eu la certitude, c'est-à-dire que lorsqu'il a vu cette chose là devant lui, فألقى الألواح تمام, il a fait tomber les écriteaux تمام, il était choqué. Lorsqu'Allah عز وجل il l'a informé, il a pas les écriteaux sont pas tombés de sa main, لكن lorsqu'il a vu, c'était beaucoup plus fort, il a laissé les écriteaux. فقال العلماء هذا يدل على الخلاف يعني الفرق بين la différence entre علم اليقين et كذلك عين اليقين. Il avait la certitude de ce qu'Allah Azza wa Jalla il a informé que son peuple est en train d'adorer autre qu'Allah. Lakin lorsqu'il a vu la pas yani la lorsqu'il a vu cette chose-là, c'était beaucoup plus fort que ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خبر ليس كالمشاهد. L'information n'est pas comme la chose que tu vois. Naham. Fa al-yaqin c'est قسم من قسمين وعلم اليقين وعين اليقين وعين اليقين c'est le fait de voir cette chose-là ou bien de l'entendre, tu vois. Naham. ثم قال يعني المنافي للشك والشك هو ضده. Ensuite قال الثالث الإخلاص. المنافي للكذب. الإخلاص ça vient de في اللغة العربية بمعنى النقاء. La pureté d'une chose. كما قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام عبارة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله عز وجل il évoque une آية عظيمة qui montre que c'est lui le créateur par rapport يعني au ibil. فالله سبحانه وتعالى il dit qu'il fait extraire du lait qui est pur, dans lequel on ne trouve pas ni du sang et ni les restes des intestins et l'akhiri. Fait, ce lait-là, il sort entre les intestins et entre le sang, et malgré cela, il n'y a pas de tache de sang, il n'y a pas d'odeur de faraf, il y en a des intestins. Allah Azza wa Jalla, il le fait sortir, il extrait de ces, entre ces deux choses-là, et il est pur. Tamfaqa'ala, la banan khalisan. Et khalisan min athar al-dam, wa min ra'ihati al-faraf. Naam. فهذا هو الخالص une chose qui est pure تمام النقاوه فيها والاخلاص ولا pureté يعني في العباده dans cette kalimat là بمعنى انك تخلص العباده لله عز وجل كما قال ابن قيم رحمه الله قال هو قصد المعبود وحده بالتعبد c'est le fait de vouer ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala وهل الادله سياتي في ذلك il est مخلص في ذلك قال المنافي للكذب لكن الذي يظهر والله اعلم المنافي للشرك المنافي للشرك il a dit l'inverse de l'ikhlas c'est le kadhib et ce qui paraît beaucoup plus juste c'est de dire l'ishirk المنافي للشرك celui qui n'est pas mukhlis il est mushrik هذا هو صحيح c'est pas المنافي للكذب لكن المنافي للشرك l'inverse de quoi l'association نعم ça c'est ce qui est صحيح أما هذا والله أعلم c'est pas صحيح قال رحمه الله تعالى الرابع الصدق être sincère المنافي للكذب المنصوش فلا بد أنه يكون صادقا قولا وعملا lorsqu'il prononce cette kalimat là la ilaha illallah cette parole là on doit la trouver dans le cœur il y a une conformité entre la parole et le cœur يعني هذا يعني منافي on pourrait dire كذلك للنفاق للكذب وكذلك للنفاق فهؤلاء المنافقون lorsqu'ils ont dit نشهد إنك رسول الله والله قال والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Parce qu'ils n'ont pas dit hada bisidq. Ils l'ont dit bil-lisan faqat. Afin d'être épargné. Pour dunya, ils l'ont dit. Mais ils ne l'ont pas dit pour Allah. Donc ça, c'était une parole qui était dépourvue de sincérité. Ma nafa'athum. Ça ne leur a pas servi d'attester que le prophète, sallam, c'est celui qui doit être suivi. Falabbuda min as-sidq ma'Allah azza wa jal fi hadhihi al-kalima. Il a dit, et cette parole-là est d'être en conformité avec son cœur. Hada huwa sidqu ma'Allah subhanahu wa ta'ala fi la ilaha illallah. المنافي للكذب المنصوص في اللغة العربية سي ما يخالف الواقع. C'est la chose يعني qui خالف الواقع. مثلا aujourd'hui on est mardi le fait de dire aujourd'hui une personne vient te dit يعني بالعناد avec entêtement on est mercredi هذا كذب. Pourquoi يخالف الواقع؟ يعني aujourd'hui on n'est pas mercredi on est mardi مثلا تام. فالكذب هذا هو مخالفة الواقع. الخبر الذي ينافي الواقع وقال الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى سواء كان قصدا يعني متعمدا وخطأ on peut évoquer al-kadhib pour une chose dont qui khalif al-waqi' et qui l'a dit volontairement un mensonge qui est fait volontairement ou bien un mensonge qui est fait involontairement كذلك في اللغة العربية يجوز أن يسمى ذلك كذبا فذلك ترى بعض الصحابة قالوا في بعضهم lorsqu'ils ont fait une erreur qui était grave فقال كذب فلان Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait volontairement. Lakin, il a dit une parole qui est contraire à la réalité et qui est fahish. C'est une erreur grossière, comme ils disent. Fait dhalika sammou dhalika kadiban. C'est la chose qui khalif al-waqi' khata'an yusammouna kadhalika kadiban. Fait yajouz. Une personne qui fait une grossière erreur, tu dis hada kadib. Même s'il n'a pas voulu le faire volontairement. Yajouz. Wa dalil dhalika kathira. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفكر يعني في قصتي أحد الصحابة يعني يسمى أبو سنابيل. أبو سنابيل lorsqu'il avait prétendu que la femme qui est enceinte sa hidda c'est comme celle qui n'est pas enceinte. Et lorsque Nabi Sassam il a entendu cela, قال كذب أبو سنابيل. Il n'a pas fait ça volontairement, mais il a fait une erreur qui était grossière. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو سنابيل. وكذلك الكذب بمعنى التورية. Lorsque Ibrahim عليه السلام il a dit, يعني lorsque ce tyran a voulu faire des choses qui ne sont pas saines يعني avec sa femme, il a dit si jamais il te demande qui tu es, tu dis que tu es ma sœur. يعني في الإسلام. يعني أختي في الإسلام. Alors on appelle ça تدليس يعني. تدليس. C'est pas un mensonge parce que c'est sa sœur في الإسلام. لكن lui il va comprendre que c'est sa sœur يعني de sa sœur يعني de son père et sa mère يعني. Et pas la sœur en Islam. Il va comprendre une chose. Toi tu en étudies ces choses-là. Tu intentionnes une chose et lui il va comprendre une autre chose. فهذا يسمى كذلك كذبا لكن on appelle ça التورية. On appelle ça التورية التدليس يعني. فالكذب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الكذب الذي هو خالف الواقع. Le كذب qui est la خطأ. Et le كذب qui est التدليس. نعم. وهنا الصدق المنافي للكذب أو بيان النفاق. Comme on a pu évoquer. On va finir inshallah vite fait. قال الخامس المحبة لهذه الكلمة لما دلت عليه والسرور بذلك. المحبة لهذه الكلمة. Tu dois aimer cette kalima. Et tu dois aimer ce que vers ce qu'appelle cette kalima-là. C'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jalla. Et tu dois aimer kazalika les personnes qui ont appliqué cette kalima-là. Al-Muhidun. Tu dois aimer le muslim par rapport au fait qu'il est muslim. Par rapport au fait qu'il a dit La ilaha illallah. Tuhib ma ahab Allah. Ça c'est le muwala. Comme on a pu voir. Aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Al-Muhabbatu li hadi al-kalima. Lima dallat alayhi al-Tuhid. والسرور بذلك il doit être content يعني c'est pas un bil ikrah il doit être fier et content de cette kalimat là et les adillah inchallah ça va venir on va détailler un peu plus là-bas قال السادس قال الانقياد حقوقها وهي الاعمال الواجبه اخلاصا لله تعالى طلبا لمرضاته الانقياد c'est le fait de se soumettre لحقوقها اي كلمه لا اله الا الله لدى حقوق et حقوق التوحيد c'est الصلاه والزكاه حقوق التوحيد الصلاة والزكاة. فذلك الله سبحانه وتعالى lorsqu'il évoque le tawhid ou le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il évoque le tawhid l'évoque aussi كذلك après الصلاة والزكاة. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة. Ça c'est حقوق التوحيد. C'est-à-dire يعني l'épreuve يعني qui nous montre que cette personne-là s'est soumise à cette kalimat-là c'est qu'on doit voir au moins que cette personne-là prie et donne la zakat. Ça c'est حقوق التوحيد. فذلك قال الانقياد لحقوقها. C'est-à-dire qu'il doit prier. كلمة التوحيد لا بد من عمل. Ça c'est ردا على المرجئة. ومرجئة العصر. Comme la da'wa dont est en train d'appeler Cheikh Rabi'a malheureusement. Qui dit que celui qui dit لا إله إلا الله. Et même si jamais il n'œuvre pas, il sera يعني من أهل الكبائر. لكن il va rentrer au paradis. Ça c'est totalement faux. لا إله إلا الله لا بد من انقياد. لا بد من انقياد. لا بد من عمل. وأقل العمل هو الصلاة لأن من ترك الصلاة فقد كفر على الصحيح كما قال العلماء فلا بد من عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله n'est-ce pas que dans le corps il y a une chair qui lorsqu'elle est bonne elle va donner comment ça s'appelle naissance à des bonnes œuvres فكلمة التوحيد si jamais elle est vraiment dans notre chair dans notre cœur elle doit donner naissance à des fruits qui sont les عمل كما قال سبحانه وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء أثر ثابت في القلب وفرعها إيه الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة في السماء. Donc elle donne naissance à quoi? À des œuvres. فالانقياد c'est la soumission. وقال العلماء هو الاستجابة بالسهولة. C'est le fait de répondre en toute simplicité, sans faire de complications. Et ça c'est important. Parce qu'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il leur donne une chose, on doit se soumettre. Sans pourquoi et ceci cela comme on peut le voir chez certains musulmans. Lorsque tu lui dis ceci est interdit, il dit ouais mais c'est quoi la hikma? C'est quoi la sagesse? Tu vois? On doit pas attendre de connaître la sagesse avant de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait qu'Allah azza wa jalla il leur donne ou bien il interdit une chose, on sait qu'on doit se soumettre. Parce que ce que Allah azza wa jalla il leur donne, c'est une maslaha, c'est un profit, c'est un avantage. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il interdit, on sait que c'est comment ça s'appelle un méfait, c'est une chose qui va te nuire. Tamam? Fi dunya wal akhirah. Ceci suffit yani pour ceux s'écarter de l'interdiction et de faire une chose qui est obligatoire. Parce qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal, il n'ordonne pas بالفحشاء. كما قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل l'ordonne une chose, c'est بالعدل والإحسان. C'est بالعدل, يعني en équité et بالإحسان. يعني que c'est un خير pour toi, un avantage pour toi في الدنيا والآخرة. وينهى عن الفحشاء والمنكر. Et lorsqu'il leur donne une chose, c'est que cette chose-là, c'est soit un فحشاء ou soit un منكر. Donc ça nous suffit. C'est pour ça que Ibrahim عليه الصلاة والسلام, lorsqu'Allah عز وجل il leur donnait de dégorger son fils, il n'a même pas demandé pourquoi ceci et cela. Il s'est exécuté sur le champ. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est son fils, yani, قَالَ يَا بَتِفْ حَلْ مَا تُؤْمَرْ. كَذَلِكَ, yani, il était voué à la prophétie, son fils, yani, Ismaïl. فَقَالَ إِفْحَلْ مَا تُؤْمَرْ. سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Fais ce qu'Allah Azzawajal t'a demandé, égorge-moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Allah Azzawajal, il leur donne une chose, c'est un bien. Donc il n'y a pas à avoir de crainte. Fais ce que Allah t'a demandé, ya Abi. C'est ça la soumission. Se faire les choses, yani bissuhula. Al-istijaba, répondre aux ordres sans se poser des questions. Bissuhula. Si jamais tu connais la sagesse, alhamdulillah. Yani kam mathalan, yani al-khamr. Allah Azzawajal, il a interdit. Pourquoi? Parce que c'est une source d'ivresse. La personne ne sait plus ce qu'elle fait. Elle peut tuer, elle peut voler, elle peut mentir, elle peut faire des choses, elle peut même ukfur, insulter Allah sans savoir. Donc on connaît la hikmah fi dhalika. Si tu connais la hikmah, alhamdulillah, ça va t'exhorter à faire ces choses-là ou bien à la délaisser. Et en plus, ça va être une exhortation en plus. Lakin si on l'ignore, il y a beaucoup de choses dans Allah Azza wa Jal, il a ordonné dont on ignore. Mathalan, pourquoi Allah Azza wa Jal, il a ordonné que al-fajr, ce soit sur deux rak'a. On ne peut pas attendre de connaître la sagesse de cela avant de se soumettre à cet ordre-là. À partir du moment qu'on sait qu'il a ordonné de faire le fajr avec cette kefiya-là, cette description-là, à l'heure qui est bien précise, on sait que Allah Azza wa Jal l'a ordonné bi hikmah. Donc ça, c'est la base de l'inqiyad. C'est-à-dire qu'on se soumet et on suit ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé bis-suhula, en toute simplicité, sans poser des questions. Qala as-sabi' al-qaboul al-munafi li-rad. Wa l'inqiyad, c'est le munafi de takabbur. Parce que hawala, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé de dire la ilaha illallah, yastakbirun kama qala subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu idha qila la ilaha illallah yastakbirun ala yanqadun. Ils se soumettaient pas, lakin ils se sont gonflés d'orgueil. Fa l'inqiyad, c'est quoi? Al munafi li al istikbar. C'est l'inverse de, c'est le contraire de at-takabbur, l'orgueil. Qala wal qabul al munafi li rad. Al qabul wal inqiyad, c'est un peu la même chose. Sauf que les ulama, ils ont fait une distinction entre les deux. Ils ont dit al inqiyad, c'est la soumission par les actes. قال والقبول هو البرتلوفيك الاستجابة بالقول. C'est le fait de se soumettre, yani, باللسان, c'est-à-dire d'accepter une chose, de la dire باللسان. Comme Abu Talib, comme Siyati, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il prétendait que la mère des religions c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin il ne l'a pas prononcé. Il n'a pas prononcé la ilaha illallah. Donc là, il n'avait pas le qaboul باللسان. Il n'avait pas le qaboul bil-lisan, même si jamais il pensait que c'était la meilleure des religions. Lakin, il n'a pas prononcé. Faradda zalika bil-lisan. Il n'a pas une soumission par la langue, on pourrait dire cela. Al-qaboul, c'est bil-lisan. Wal-inqiyad, c'est bil-jawarih. Thumma qala rahimahullah ta'ala qala wa adillatu hadhi ash-shurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et en conclusion de cela, il a dit, ces conditions-là ne sont pas des points de vue, n'ont pas été inventées. Là, qui ne sont déduits du kitab de la sunna. Donc tout ce qui est déduit du kitab de la sunna, on doit l'accepter. On doit de l'accepter, c'est obligé. وَقَالَ هُنَا أَدِلَّ. وَالْأَدِلَّ, pour finir, c'est quoi? قَالَ الْعُلَمَا هُوَا مَا يُتَوَصَلْ بِهِ بِالصَّحِيحَ نَظَرْفِي إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِي أَوْ اَعْتِقَادِي. الْأَدِلَّ, ça c'est important de savoir. الدليل, c'est quoi? Ils ont dit العلماء هو ما يتوصل به. C'est une chose qui va te permettre d'arriver à une conclusion dans l'aqida ou bien dans autre chose que la haqida, dans le fiqh l'akhirihi. Lakin qala al-ulama bi sahih an-nadharfi, avec un regard qui est sahih, parce qu'il y a des gens qui regardent dans le dalil lakin laysa bi sahih an-nadharfi wa yakhtiuna fi dhalika kal khawarij. Tamalan al-khawarij, ils ont des adilla, lakin fi al-haqiqa c'est pas des adilla. Pourquoi? Parce qu'elles ont été posées dans l'endroit qu'il ne faut pas, comme ceux qui prétendent que ahlul kaba'ir c'est des kuffar. Ceux qui font des grands péchés, ils disent que c'est des kuffars. Ils prennent l'ayah, قُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ils disent ça, c'est pour tous ceux qui font des kaba'ir. Là, ils ont pris un dalil, min kitab al-sunnah, enfin, min al-kitab. Lakin, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un dalil? Non. Là, ce n'est pas un dalil dans cette masala-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils ont déduit une chose qui était mauvaise. Ils ont eu un regard dedans qui est totalement faux. Enfin, un dalil, ça ne suffit pas qu'on le prenne de la kitab al-sunna al-akin, il faut qu'il soit muwafiq. Il faut qu'il soit conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ces conditions-là, elles sont mabni ala dalil. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été déduites avec un regard qui est sahih. Mais dans le kitab al-sunna. Et inshallah tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours, on va... il va évoquer, inshallah, les preuves. Donc là, on l'a pris de manière globale, inshallah. Là, ça va être un peu plus détaillé par rapport aux preuves qui montrent que ces shurut-là, ils sont sahihs. Pour finir, inshallah, on va évoquer le poème de Hafiz al-Hakim, rahimahullah ta'ala. Il a réuni ces conditions-là dans un poème, inshallah, pour ne pas oublier. فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَفِي شُرُوتِ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما حب فقال رحمه الله تعالى كما في سبل السلام فقال وفي شروط سبعة قد قيدت أي كلمة لا إله إلا الله على إيتي كونديسيوني par cette condition وفي شروط سبعة قد قيدت أي ils ont été conditionnés dans le kitab la sunna fi nusus al wahyi haqqan waradat et ces conditions là elles ont été évoquées dans le kitab ou plutôt dans le wahyi tam qala fa innahu la yantafi' qa'iluha la personne qui le dira ne va pas profiter de cette parole là binutqi illa haythu yastakmiluha que quand il aura complémenté ces réuni ces conditions là thumma les a évoqué qala al hilm al yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqul sache ce que je suis en train de dire والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Ensuite, il a fait une dua pour celui qui a réuni ces conditions-là et qui a œuvré de ces conditions-là. Il y a une huitième aussi condition qui est le kufr bit-taghut. Et au fil haqiqa, rentre dans la première condition. Inch'Allah, on va l'évoquer dans le prochain dars. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, si jamais certains te disent que shurut la ilaha illallah sont au nombre de huit, c'est pas une erreur. C'est juste un khilaf bayna al-ulama. Au fil haqiqa, la huitième condition, on peut la rentrer dans la première. On va l'expliquer, inch'Allah, expliquer dans le prochain cours. On va se contenter de ça en espérant, inch'Allah, que c'est clair. Nassal Allah Azza wa Jalla, infa'ana wa yakum, bima sami'ana, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam, subhanahu.